les Français que votre mère et vos sœurs. Maintenant il est temps de payer. On va tous vous crever plus.